proverbe qui dit nous comme ça. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Ou ni Monsieur Roland qui Michel Morin. Il porte talent quand à l'emporter. Ils sont pas des connettes, ils café taillés, café cordonnier et même menuisier. Et comme occupation pour les malpalants, ils confectionnent en veste 40 poulets. Et des bijoux la satine, on l'a resté. Yo sous-nommé Roland Michel Morin. Monsieur Morin, ce petit nom vous va bien. J'aurais voulu, croyez-moi, avoir votre talent. Eh bien, mon ami, il faudrait procéder ainsi. Tout d'abord, allez à Palan, par ce fait, vous arriverez sûrement. Tout d'abord, allez à Palan, par ce fait, vous arriverez sûrement. Qui dit nous qu'on s'assit au pied du mur qu'on voit le maçon. On y Monsieur Roland qui Michel Morin. Il porte talent, qu'on talent porté. Ils sont pas des condettes, ni café taillé, café cordonnier et même menuisier. Et comme occupation pour les malpalants, ils confectionnent en veste 40 poulets. Et des bijoux la satine, on l'a resté. Yo surnommé Roland Michel Morin. Monsieur Morin, ce petit nom vous va bien. J'aurais voulu, croyez-moi, avoir votre talent. Eh bien, mon ami, il faudrait procéder ainsi. Tout d'abord, allez à Palan, par ce fait, vous arriverez sûrement. Tout d'abord, allez à Palan, par ce fait, vous arriverez sûrement.